2003, colère aveugle, je marquais de mon sang l'amour pour l'opéra. Avec bon sens, j'écrivais ce roman, une vie nouvelle. Je dominais le mot et son domaine, console mes consonnes et mes voyelles. Pour elle, je me démène. Quelques mesures anecdotiques, un subjonctif qui annonçait l'envie d'écrire des titres quand ma raison dans le vide se balançait. Macabre carrousel qui mène la danse et raye ta rétine. Un raté qui se camoufle, qui est pas très net, mais qui paraît clean. J'ai voulu me mêler au jeu, mais sans dévoiler le mien. Apprendre à reculer mes pions quand la chance fuit, à s'en briser les liens. Ici, pas d'hilarance, la mine affable, la fumée qu'assombrit. Je rêve d'un monde en couleur, pas d'un pas de joueur qui dans les cas soit râle, casse-toi, crie, hurle. Oublie tout ça, déchire la page, annonce sûr de foncer dans ma compo, celle qui décrit ma rage. Je veux exposer ma plume, qu'elle se confronte au doux savoir des lettres, où l'harmonie de vivre coule dans les larmes et dans les rires de l'être humain. Inanimé, nombreux les chiffres qu'ils énumèrent, crimes, télé-réalité, fléau de leur folie funèbre. Alors je rentre mes mots avec mes rimes quand ma colère saigne. Passe, passe de face, switch, chef, Curry, Golden Day. On avance vers l'inconnu devant, chacun veut passer la ligne. Ici, pas d'ex-écho, sauf au studio quand j'ai un bac et ma lead. On avance amèrement, je m'en fous d'être dernier de la ligue. Car à plein dents, je croque, loin du rap, moi je veux gagner ma hive. Crise, car mon époque est vide, la haine au pendentif. Fiche, je bois au goulot des rimes lorsque ma peine piétine. Yves, alors je colmate mes plaies, je te l'ai déjà dit, j'avance la mine grise. Mais l'appétit d'un tic dans chaque couplet. Ça me saoule, je vois que ces faux bourgeois simulent. C'est mal et face à ça, une foule ignore pourquoi dans la folie cette fille si molle. Climat grave sale, insta austère, la baie d'Afka grave ça. On se cartonne pour embellir nos peines dans cette vie si molle. La perfection n'existe pas, mais on leur fait croire que si. Triste de voir ici des hommes posés en les kink et fossiles. Trop d'atrocités m'aveugle et mon globe oculaire s'accable. Viens d'un refrain ma gueule, pose en paix. Bah crois-moi, ça je ne change pas face à moi-même. J'ai voulu justement faire la différence entre deux folles assures. On rêve de naviguer, de s'envoler parmi les astres. Des lustres qu'on attend, ça use les pieds liés dans ce désastre. Et vaste, comme une bombe en Chine qui souffle tout, tu vois. Moi je prétends rien connaître, je connais à peine le quart du double de moi. Allez, passons, je cesse. Car ma thèse éternie, un pardon éternel qui fait que ma plume s'éternise. On avance vers l'inconnu devant, chacun veut passer la ligne. Ici pas d'ex-écho, sauf au studio quand je viens baquer ma ligne. On avance amèrement, je m'en fous d'être dernier de la ligue. Car à plein dents je croque, loin du rap, moi je veux gagner ma hive. Crise, car mon époque est vide, la haine au pendentif. Fiche, je bois au goulot des rimes lorsque ma peine piétine. Yves, alors je colmate mes plaies, je te l'ai déjà dit, j'avance la mine grise. Mais l'appétit d'un tic dans chaque couplet.